pattes endormies, en l'or de tes cheveux, chauffe un bain langoureux et consumant l'encens sur ta joue ennemie. Il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux de ce blanc flamboiement muab accalmie. T'as fait dire attristé aux mes baisers peureux, nous ne serons jamais une seule momie sous l'antique désert et les palmiers heureux. Mais la chevelure est une rivière tienne, noyée sans frisson l'âme qui nous observe et trouver ce néant que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Je goûterai le phare, pleurer par tes paupières pour voir s'il s'est donné au cœur que tu frappas l'insensibilité de l'azur et des pierres. De ce blanc flamboiement, l'immuable accalmie, t'as fait dire attristé aux mes baisers peureux. Nous ne serons jamais une seule mort. Et les palmiers heureux, nous ne serons jamais une seule momie sous l'antique désert et les palmiers.